pages arrachées à Sylvain Tesson. Essais et nouvelles. Feuilleton en 5 épisodes. Extrait choisi par Julie Aminte. Une réalisation de Michel Sidoroff. Deuxième épisode, L'éternel retour, le phare. Outre ses essais et célèbres récits de voyage, Sylvain Tesson s'adonne aussi à l'écriture de nouvelles. Ces dernières, regroupées au sein de différents recueils, s'inspirent de ses pérégrinations. Leur action se situe donc souvent dans les pays qu'il a parcourus et dont il connaît bien l'histoire, les coutumes, l'ambiance, les paysages. C'est notamment le cas de la Russie, son véritable terrain de prédilection. Ainsi, par le biais de la fiction et sans jamais se départir d'un certain humour noir, Sylvain Tesson invite le lecteur à découvrir la philosophie qui sous-tend son existence. Une philosophie qui emprunte bon nombre de ses principes à la spiritualité slave, étrange mélange d'espoir et de désespoir, de vitalité et de résignation, et sur laquelle il n'a de cesse de revenir. Pour preuve, ce recueil de 15 nouvelles paru chez Gallimard est intitulé « Une vie à coucher dehors », prix Goncourt de la Nouvelle 2009. On y retrouve des personnages en proie aux forces de la nature et du destin, et qui pour la plupart, et quel que soit le territoire qu'ils occupent, s'agitent, tentent d'échapper aux entraves qui jalonnent leur vie, mais finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par être rattrapés par l'inéluctable. Par conséquent, semble nous dire Sylvain Tesson, il est plus raisonnable de se comporter comme Vladimir Vladimirovitch, gardien de phare et héros tessonien, lequel, alors que la tempête se déchaîne, que son homologue breton et lui-même sont coincés sur un enfer, du nom que l'on donne au phare isolé en pleine mer, opte pour la construction d'un banya, version slave du sauna scandinave, afin de se dévêtir de toute forme de prétention et alors contempler le plus sereinement du monde la toute-puissance des éléments. Le phare. Il se dressait sur un promontoire à 200 km de Vladivostok. Aucun phare de Russie n'occupait position plus australe. Planté au bord de la falaise, il ne dépassait pas 20 mètres de haut et ne servait plus à grand-chose. Presque personne ne passait au large. Parfois, seulement un bâtiment japonais chargé de voitures d'occasion à destination de la poubelle russe ou un pétrolier en route vers Sakhaline. Il était loin le temps où la mer du Japon se pavoisait de voiles et de panaches. Mais les phares ne sont pas là pour prodiguer un service rentable. Ils sont là pour que la flamme demeure allumée. Un siècle d'embrun avait délavé la tour. À son pied, la petite maison du gardien, dans le plus pur style russe, jouxtait un banya de rondins. Sur la façade, les lettres SSSR et une étoile rouge survivaient au temps. Le bâtiment ne devait rien aux soviétiques. Il avait été construit par les Bretons de la presqu'île de Crozon à la fin du XIXe siècle. Les hommes du Finistère de l'Ouest avaient traversé l'Eurasie pour venir éclairer le Finistère de l'Est. Vladimir Vladimirovitch grimpait chaque jour les 114 marches pour vérifier l'état des lampes. À l'est s'ouvrait la mer du Japon. Au sud, la ligne de montagne marquait la frontière de la Corée du Nord. Ce soir-là, un ferry voguait au loin. La coque faisait un rectangle blanc et solitaire sur l'horizon. L'océan était houleux, le vent soufflait. Les vagues mordaient les rochers du cap. C'est la patience de la houle qui transforme les falaises en plages. Les rafales couchaient les roseaux de la lande, l'automne avait roussi la forêt alentour. « Vladimir Vladimirovitch !» cria Alexandra Alexandrovna. L'écho de la voix de sa femme s'enroula dans l'escalier. « Quoi ? Une lettre de France ?» Et c'est ainsi, cher Vladimir Vladimirovitch, que j'ai l'honneur de vous convier chez nous. Nous vous attendons à Brest le 15 décembre et vous rendrons à la Russie le 5 janvier. Nous espérons ardemment rencontrer l'homme qui préside aux destinées d'un phare construit par les nôtres dans les confins. S'ajouterait à la joie de vous tenir auprès de nous le plaisir de vous faire visiter nos propres installations et l'honneur d'adresser à l'amitié entre nos deux nations un salut symbolique par-dessus l'espace et à travers le temps. Émile Le Bihan, président du syndicat des gardiens de phare de Bretagne, octobre 2003. Le Transsibérien use d'une semaine entière pour relier Vladivostok à Moscou. Vladimir Vladimirovitch avait accepté l'invitation. Les services français s'étaient occupés des formalités. Mais le Russe avait tenu à gagner la Bretagne par voie de surface. Il y a une politesse à ne pas se rendre trop vite aux endroits où l'on est invité. L'avion est fait pour les rustres. Vladimir Vladimirovitch passa le voyage à regarder par la fenêtre les bouleaux succédés au pain. Il mangea beaucoup, dormit 12 heures par nuit et mit à profit le trajet pour lire une traduction en russe du petit traité sur les lentilles de Fresnel communément utilisé dans les phares maritimes. La semaine bretonne fut terrible. Sur les falaises de granit, on fit honneur aux Sibériens. Le syndicat avait impérialement organisé les choses. Le Russe n'eut pas une seconde. Il grimpa dans les phares, rencontra les gardiens, s'attabla à des banquets officiels, visita des sémaphores et donna 2 ou 3 conférences que le président concluait par un discours vibrant sur le phare, monument à la croisée de la mer, du ciel, de l'ombre et de la lumière. Le soir, Vladimir Vladimirovitch s'émerveillait de la gaieté qui régnait dans les bars. Il découvrait la joyeuse vibration qui emplit les rues à l'approche de Noël, cette électrisation des esprits et des corps avant la grande fête. Au fest-noz de Plouquernel, le twist cosaque eut un grand succès. Par un de ces mystères qu'éprouvent parfois les voyageurs, Vladimir Vladimirovitch se sentait chez lui, dans ses antipodes herciniens. L'empreinte des lieux sur les caractères ont forgé des âmes identiques aux extrémités du continent. On ne vit pas sans conséquence au bord des parapets. Côtoyer la fin des terres a donné aux Bretons et à l'extrême-oriental un même penchant à la rêverie. Tous deux partagent la propension à dissoudre le vague à l'âme dans l'alcool. Cette communauté de caractères se lisait sur les visages. Vladimir Vladimirovitch et le président se ressemblaient. Même tête plate, même yeux en olive, même paille blonde sur un front carré, même allure de débardeur. Les Cosaques possèdent un point commun avec les Celtes. En parvenant aux confins du monde, les deux peuples ont eu à choisir entre se précipiter à l'eau ou se fixer le long des côtes. Le soir, avant les dîners protocolaires, le président du syndicat promenait son hôte, de promontoire en pointe rocheuse. Vladimir Vladimirovitch aimait regarder le soleil s'abîmer dans l'Atlantique. Sur le bord des falaises orientales, le Russe n'avait jamais assisté qu'aux aurores. Quand il découvrit Penhir, au bout de la presqu'île de Crozon, il se dit qu'il voudrait finir ses jours devant ce spectacle. Le ciel roulait des tourments. Le vent avait engrossé la mer. La houle bavait au pied de la falaise. En Bretagne, même la mer fait de la crème. Vladimir Vladimirovitch aimait les parois océaniques, cette manière qu'a la terre de tirer sa révérence. On traverse les campagnes, on passe des vallons et des villages heureux, et soudain, c'est la falaise. La fin de l'histoire, tranchée par la géographie. J'aime ce paysage, président. Il faut que vous alliez visiter un enfer, Vladimir. Vladimir Vladimirovitch rejoignit le phare de K le 22 décembre dans l'après-midi. Les feux du K, coiffant une colonne de 40 mètres de haut, postée sur un caillou au large d'Ouessant, évitaient au bâtiment de s'éventrer sur les charpies de granit affleurantes. La navette eut de la difficulté à se maintenir à distance du rocher pendant que le Russe était amené au filin sur la plateforme du phare. Le bateau devait venir le chercher le lendemain soir. Le président Le Bihan tenait à ce que le Sibérien passât les fêtes de Noël avec lui, à Brest. Le gardien, Joël Kerderon, avait été prévenu qu'un hôte de marque viendrait passer une nuit dans son enfer et qu'il convenait de le recevoir avec les honneurs. Il consentit donc à ouvrir une bouche qu'il n'avait pas desserré depuis 3 semaines. « Salut !» dit-il. Vladimir Vladimirovitch compta les marches du K. 228, le double de sa propre tour. Il se plaisait déjà. Le russe et le gardien dînèrent dans un silence rythmé par le bourdon de la houle. Ils mangèrent une soupe au pois, un lieu grillé et des pommes de terre à la crème. Ils burent un vin blanc de Savoie. Le raclement des fourchettes tint lieu de conversation. Vladimir Vladimirovitch passa la nuit à courir le phare. Il détailla les boiseries de la bibliothèque, en éplucha les titres, il y avait le Taras Bulba de Gogol et un recueil de poèmes de Lermontov. Admira la lentille. À l'aube, la tempête se leva. La mer se voila d'une crêpe blanche. Le ciel, livide, toucha l'écume, le vent hurla dans la tour. Le coup de tabac était sévère, le phare gémissait, l'air sentait l'iode, Vladimir Vladimirovitch exultait. Le président Le Bihan appela à la radio à 8 heures du matin et se répandit en malédiction. « On savait bien que le temps était à la dépression, mais qui aurait prévu que la tempête arriverait si subitement ?» L'après-midi, le baromètre poursuivit sa chute. À terre, tout espoir s'évanouit de récupérer Vladimir Vladimirovitch pour le réveillon. La deuxième nuit, l'océan sembla concentrer ses forces pour jeter à bas le cas. La hargne atlantique coupa l'appétit aux deux hommes. Ils se couchèrent tôt. Le fracas était tel que Vladimir Vladimirovitch se dressait parfois sur sa couchette comme pour vérifier que le phare n'était pas en train de plier sous un coup de boutoir et, appuyé sur le coude, il regardait Kerderon, cherchant sur le visage breton tranquillement assoupi la confirmation que tout allait bien, que le phare tiendrait et qu'il pouvait reposer sans crainte. Les gardiens de phares terrestres ne sont pas aguerris comme les maîtres des enfers aux tempêtes de pleine mer. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, un soleil maladif perça la couche encore basse, annonçant un léger répit. La houle faiblit un peu, mais le vent ne permettait aucune sortie. Le Bihan appelait à la radio toutes les demi-heures, se morfondant de la situation, regrettant amèrement que le russe ne puisse goûter à la chaleur d'un Noël breton, jurant qu'il réparerait ce coup du sort, promettant de braver la queue de tempête pour venir le chercher en personne le lendemain. Le président finit par lasser le Sibérien avec sa sollicitude. Au fond, Vladimir Vladimirovitch se félicitait de la situation. Passer la nuit de Noël avec un ermite mutique, dans une tour de pierre hantée de tempêtes et dressée aux avant-postes de la nuit atlantique, lui semblait autrement excitant que de partager la dinde dans l'intérieur surchauffé d'un pavillon douillet. Les empressements de Le Bihan finissaient par lui faire le même effet qu'un excès de mayonnaise dans le bortsch matinal. À 5 heures du soir, Vladimir Vladimirovitch passa à l'action. Il ouvrit sa valise et fit l'état des lieux. Comme tous les Russes, il voyageait avec des provisions serrées dans des sacs de plastique. Il avait en réserve un bocal d'1 kilo d'eau de saumon, quelques tranches d'eau moule du Baïkal, enveloppées dans un exemplaire des Nouvelles d'Irkoutsk, du thé noir de Chine, un bloc de sandou ukrainien, des cornichons au vinaigre moldave et une bouteille de 2 litres de vodka standard. Avez-vous un poêle portatif ? Joël Kerderon était en train de graisser les gonds de la porte étanche qui donnait sur la plateforme. « Vous avez froid ?»« Non, mais je voudrais vous faire une surprise pour Noël. »« Pour Noël ?» Le gardien ne concevait pas que le réveillon pût bouleverser quoi que ce soit de ses habitudes. Sa vie était réglée comme un faisceau de phares. Tous les ans, depuis 20 ans, il se couchait le 24 décembre, sitôt effectué l'inspection des mécanismes et la vacation radio. Que des gens se réunissent pour célébrer un événement universel ne l'affectait pas. Pas plus que ne l'émouvait le fait qu'un Russe vint s'enquérir d'un poêle portatif un soir de nativité dans son propre phare. Il était gardien d'un phare. Il ne vivait pas sur Terre. « Vladimir Vladimirovitch s'activa pendant 2 heures. Il transporta le poêle électrique dans la tourelle et poussa le bouton de chauffage à fond. Avec des couvertures, il colmata les jointures de la verrière sommitale et les interstices de la porte d'accès à l'escalier. Il calfeutra l'ouverture qui donnait sur la coursive extérieure avec un matelas qu'il monta à grand-peine dans les colimaçons. Il tendit les carreaux de larges bandes de papier d'aluminium, veillant à laisser libres les axes du faisceau lumineux. À 8 heures du soir, il faisait 45 degrés dans la salle des lampes. Le Russe redescendit. Sur la table de la bibliothèque, il disposa les poissons fumés. Il fit bouillir un chou, beurra d'épaisses tranches de pain noir sur lesquelles il étala les œufs de saumon à large fourchetée. Sur chaque tartine, il déposa une lamelle de citron et une branche d'aneth. Il disséqua les cornichons en 4 quartiers dans le sens de la longueur, les agença sur une assiette et dessina des rosaces avec des rondelles de tomates, de concombres et de poivrons. Il découpa des lamelles de lard et de tout petits carrés de fromage. Il posa 2 verres à côté de la bouteille de vodka et fit chauffer 3 litres d'eau destinée au thé noir. Le chou était prêt et luisait à la lumière des bougies, mou et blais, dans l'assiette à soupe. Là-haut, dans la verrière, le mercure touchait 60 degrés. Vladimir Vladimirovitch plaça une brassée d'algues près du poêle. Kerderon les récoltait sur son rocher par temps calme et les faisait sécher dans sa cuisine en vue de décoction. D'abord, le Breton ne voulut rien toucher. Il dit qu'il n'avait pas faim, prétexta qu'il voulait aller se coucher, qu'il n'était pas habitué aux cérémonies et que ce soir-là était un soir comme les autres et que, Noël ou pas, les bateaux continueraient de croiser au large des récifs et l'éclat de son phare de les protéger du naufrage. Le premier verre de vodka le convainquit d'en accepter un second. Vladimir Vladimirovitch prononça les toasts. « Au veilleur de la nuit !» Un verre, du chou. « À toute lueur d'espoir !» Un verre, un cornichon. « Au triomphe de la lumière !» Un verre, des œufs de saumon. La vodka faisait son œuvre. Elle fouettait l'énergie du Russe, désagrégeait l'asthénie du Breton. « À l'enfant Jésus, phare d'une longue nuit !» Un verre, une demi-tomate. Ils étaient venus à bout du premier litre. La vodka ne fait jamais mal lorsqu'on la boit à deux. Le principe du toast a été inventé par les Russes pour se passer de la psychanalyse. Au premier verre, on se met en train. Au second, on parle sincèrement. Au troisième, on vide son sac. Et ensuite, on montre l'envers de son âme. On ouvre la bonde de son cœur. Et tout, rancœur enfouie, secret fossilisé et grandeur contenue, finit par se dissoudre ou se révéler dans le bain éthylique. « Et maintenant, bagna !» dit Vladimir. Le Russe avait allumé des bougies sur 38 des 228 marches qui menaient à la tourelle. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, une haleine de tropique leur sauta au visage. Les algues s'étaient raidies près du poêle. Elles allaient servir de veniki, ces rameaux de bouleau que les Sibériens utilisent pour se fouetter le sang. Le thermomètre affichait 70 degrés. La condensation perlait l'intérieur des vitres. Les 2 gardiens se déshabillèrent. La structure vibrait. Le vent ne s'était pas calmé. La nuit malmenait le phare. Le Russe et le Breton soufflaient comme des veaux marins. Ils rissolaient dans la verrière, giflés par les rafales. Les épais carreaux s'embrasaient à chaque éclair du phare. 1 quart d'heure passa. La température montait. Les peaux rougissaient. Le battement des cœurs s'accélérait. Les poisons, accumulés par les organismes, s'exfiltraient par la grâce de la cuisson à l'étouffer. Les corps se purifiaient. Le Russe, ruisselant, servait de petites doses. « Gloire au faisceau de l'aube !» Un verre. « À la victoire du jour !» Un verre. Le principe du bagna repose sur la science du choc thermique. Les Russes ont horreur du juste milieu. Avec le bagna, ils ont mis au point l'art de n'être bien nulle part. Dedans, le four, dehors, le pôle. Vladimirovitch ouvrit la porte de la coursive et poussa le Breton dehors. À 40 mètres au-dessus des flots, le vent hurla à leurs oreilles. Les premières secondes leur donnèrent l'impression de renaître, les suivantes, de mourir. les vaisseaux sanguins se rétractèrent et le froid cuirassa les épidermes. La température était descendue sous le zéro et les cheveux givrèrent. Il ne fallait pas céder à la tentation de se réfugier sous la verrière. « Appuyez-vous au parapet !» dit Vladimir Vladimirovitch. En bas, les rouleaux s'éventraient sur les saillies, le rocher déchirait la pulpe salée, des paquets d'embrun aspirés par l'ouragan explosaient contre le phare, le ray de lumière déchirait l'obscurité, indifférent. Le miracle de Noël fut que le Breton s'anima. Brandissant son verre dans la nuit en furie, tandis que Vladimir Vladimirovitch, gardien de phare des antipodes extrême-orientaux, lui cinglait les flancs à grandes brassées d'algues, Kerderon salua d'un même élan le miracle christique, la centenaire fidélité du pinceau de son phare, la puissance de la houle toujours recommencée et la nature invaincue qui renaît de sa mort chaque 25 décembre. Phosphorant dans la nuit des clignotements du feu tournant, pleurant des larmes de pluie, il hurla aux rafales « À l'éternel retour ! À l'éternel retour !» C'était Pages arrachées à Sylvain Tesson. Deuxième épisode, L'éternel retour, le phare. Extrait choisi par Julie Aminte. Avec François Cagourlet. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Enregistrement, montage et mixage, Benjamin Vignal, Emmanuel Arminque. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Michel Sidoroff. L'éternel retour est extrait du recueil de nouvelles Une vie à coucher dehors, paru en 2009 aux éditions Gallimard.